David se lamente dans cette allergie sur Shaul et sur Yohanan son fils. Il dit pour apprendre l'arc au Béni Bouddha. Voici c'est écrit sur la putoture. La gazelle d'Israël sur tes têtes est victime. Comment sont-ils tombés les cerveaux? Ne le portez pas à quatre, ne le lancez pas dans les allées de Ashkelon. Qu'elles ne réjouissent pas les filles des Péléchim. Qu'elles n'exultent pas les fils des ex-sacrocis. Monde de Gilboa, que nulle rosine, nulle pluie ne soit sur vous, au champ de prélèvement. Oui, là, il est maculé le bouclier des héros. Le bouclier des chauds, non pas messé de l'huile, mais le sang des victimes de la grâce des héros. L'arc de Jonathan, jamais ne reculait, l'épée de Shaul ne tournait pas vide. Shaul et Jonathan, aimés et exquis en la vie, ne sont pas simples en la mort. Plus lâchés que vos temples, plus sont que lion. Fille d'Israël, pleurez Shaul. Il vous le vêtait d'écarlate avec le finement. Il vous a aussi vos vêtements de palio d'eau. Comment sont-ils tombés des héros au milieu de la guerre? Victime, Yohanan, sur tes têtes. Tu es une détresse pour moi. Mon frère Yohanan, tu es exquise pour moi. Ton amour est-il plus merveilleux que l'amour des femmes? Comment sont-ils tombés des héros? Ont-ils perdu les agents de la guerre? David interred this lamentation of his soul and his son Jonathan. He ordered that the song of the bow be taught to the people of Judah. It is written in the book of Yasha. He said, Your glory, O Israel, lies slain upon your high places, how the mighty have fallen. Tell it not in Gath, proclaim it not in the streets of Ashkelon. All the daughters of the Philistines will rejoice, the daughters of the uncircumcised will exult. The mountains of Gilboa, let there be no dew or rain upon you, no bounteous fields. For there the shield of the mighty was defiled, the shield was sorely mounted with oil no more. For the blood of the slain from the fat of the mighty, the bow of Jonathan did not turn back. Nor the sword of Saul return empty. Saul and Jonathan, beloved and lovely, in death and in life they were not divided. They were swifter than eagles, they were stronger than lions. O daughter of Israel, weep over Saul, who is clothed you in crimson and luxury, and put ornaments of gold on your upper array. How the mighty have fallen in the midst of the battle. Jonathan lies slain upon your high places. I am distressed for you, my brother Jonathan, greatly beloved were you to me. Your love to me was wonderful, passing the love of women. How the mighty have fallen and the weapons of war perished.